Apocalypse chapitre 6. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des seaux, je regardai, et j'entendis l'un des quatre animaux, qui disait, comme avec une voix de tonnerre, viens, et vois. Et je regardai, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il partit en vainqueur, pour remporter la victoire. Et quand il eut ouvert le second seau, j'entendis le second animal qui disait, viens, et vois. Et il sortit un autre cheval, qui était roux, et il fut donné à celui qui était monté dessus, de pouvoir ôter la paix de la terre, afin qu'on se tue l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. Et quand il eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième animal qui disait, viens, et vois, et je regardai, et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus, avait une balance en ses mains. Et j'entendis au milieu des quatre animaux une voix qui disait, la mesure de froment pour un denier, et les trois mesures d'orge pour un denier, mais ne nuit point au vin, ni à l'huile. Et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal, qui disait, viens, et vois. Et je regardai, et je vis un cheval fauve, et celui qui était monté dessus, se nommait la mort, et l'enfer suivait, et il leur fut donné puissance sur la quatrième partie de la terre, pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il eut ouvert le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à haute voix, disant, jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne juges-tu point, et ne venges-tu point notre sang de ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service, et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux, soit complet. Et je regardai quand il eut ouvert le sixième seau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poils, et la lune devint toute comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier étant agité par un grand vent, laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes, et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les princes, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclave, et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône, et de devant la colère de l'agneau. Car la grande journée de sa colère est venue, et qui est-ce qui pourra subsister?